Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire « Les fées ont soif quand le théâtre fait scandale ». Tout le monde a peur de la prise de parole des femmes. Je comprends pourquoi ils ont peur, parce que nous allons... C'est certain qu'on remet toute leur civilisation en jeu, toute leur culture. Et moi, j'en suis convaincue. Moi, je suis sûre que les femmes, on va changer la science, on va changer leur politique, on va changer leur politique. C'est un bouleversement. Puis c'est nous autres le choc, on est un choc historique. Denise Boucher, l'autrice de la pièce « Les fées ont soif » à l'émission Culbut le 19 juin 1978, quelques jours seulement après la décision du Conseil des arts de Montréal, qu'on appelait à l'époque le Conseil des arts de la région métropolitaine, de retirer une subvention au Théâtre du Nouveau Monde en raison du langage soi-disant trop vulgaire de la pièce de Denise Boucher. Cet épisode de tentative de censure de la pièce « Les fées ont soif » qui a marqué l'histoire du théâtre au Québec n'empêchera pas cette pièce de connaître un succès considérable et d'être plus tard traduite en anglais, en espagnol, en italien, en russe et même en catalan. Je file un bien mauvais coton. Est-ce que je pourrais changer de peau? Est-ce que je pourrais me chercher ailleurs? Je pigrasse sur place. La vie me fait cailler. Advenant que le 14 juin, le Conseil des arts de la région de Montréal maintienne sa décision, le TNM présentera tout de même cette pièce au cours de sa prochaine saison. C'est la décision que j'ai communiquée au Conseil d'administration de la Fondation du Théâtre du Nouveau Monde. Et après mûre réflexion et abondante discussion, le Conseil d'administration de la Fondation du Théâtre du Nouveau Monde a pris unanimement, lundi le 29 mai dernier, une résolution qui disait à peu près textuellement ceci, qu'il refusait toute censure de la part du Conseil des arts de la région métropolitaine de Montréal ou de tout autre organisme, et qu'il décidait de maintenir la programmation de la saison 78-79 telle qu'annoncée, malgré le risque d'une diminution de subvention de la part du Conseil des arts de la région métropolitaine de Montréal. Donc, cette pièce va être jouée la saison prochaine. Jean-Louis Roux, alors directeur artistique du Théâtre du Nouveau Monde, au micro de Dominique Payette à l'édition québécoise de l'émission Présent en juin 1978. Et au tout début de l'extrait sonore que vous venez d'entendre, c'est un extrait de la reprise de la pièce « Les fées ont soif » présentée au Théâtre du Rideau Vert en 2018 que vous entendiez, pour nous raconter ce retentissant coup d'éclat théâtral qu'a été la présentation de la pièce « Les fées ont soif » en 1978. Je reçois Marie-Claude Garneau. Elle est doctorante en lettres françaises à l'Université d'Ottawa, chargée de cours à l'École supérieure du théâtre de l'Université du Québec à Montréal et co-directrice littéraire de la NEF, la collection de théâtre féministe des éditions du Remue-Ménage. Marie-Claude Garneau, bonjour. Bonjour. Quand on parle, Marie-Claude Garneau, de cette pièce, Les fées ont soif, c'est beaucoup du scandale autour de la pièce auquel on repense tout de suite. Qu'est-ce qui explique que cette pièce-là ait fait pareil scandale? Qu'est-ce qui a tant choqué à l'époque avec cette pièce, Les fées ont soif? Bien, je vous dirais là, d'abord plusieurs choses. On entendait Denise Boucher là, en début d'émission qui parlait que les femmes allaient créer un grand bouleversement. Donc oui, la teneur de la pièce en soi, hein, des femmes qui prennent la parole, qui ébranlent le statu quo de la sorte. Le contexte du théâtre au Québec à l'époque aussi, la pièce était novatrice là, justement dans son propos, mais aussi dans sa forme, entre la poésie et le théâtre. Il y avait c'était une période d'effervescence pour le féminisme aussi à l'époque, donc ça participe de tout ça. Ouais. Et bon, qui a été choqué par quoi? Bon, évidemment, les subventionneurs hein, qui sont choqués par le langage. On va le voir, là, l'Église catholique qui va être choquée par la représentation là, que la pièce fait soi-disant de la Vierge. Et donc, plus généralement, là, je pense que c'est aussi le fait de voir des femmes, des personnages féminins dénoncer aussi ouvertement aussi les violences qu'elles subissent. Donc, c'est ce ton-là un peu irrévérencieux de la pièce. Une parole qui dérange, qu'on n'est pas prêt, moins prêt en tout cas, à l'époque à entendre, qui lève le voile sur une réalité qu'on veut peut-être pas voir non plus. Puis ça rejoint, vous le disiez, ce que Denise Boucher disait, là, cette espèce de petite révolution, cet électrochoc qu'incarne cette parole de femme à ce moment-là. Parlons-en de l'époque, en fait. Peut-être aussi du théâtre des femmes qui commence déjà à prendre forme dans cette fin des années 70. Où est-ce qu'il en est, le théâtre des femmes, au moment de la présentation de la pièce en 1978? À cette époque-là, en fait, à la fin des années 70, évidemment, le théâtre est aussi connecté à la société, là, si je peux dire ça comme ça. Donc, le théâtre participe vraiment de l'effervescence sociale, politique qui se développe au Québec là, depuis la fin des années 60. Et les changements qui se produisent à ce moment-là dans le théâtre québécois par les femmes, ça vient surtout des comédiennes qui créent des troupes et des collectifs pour vraiment présenter leur propre spectacle. Évidemment, là, je pense au théâtre des cuisines avec leur pièce « Nous aurons les enfants que nous voulons » en 1974. Il y a eu, en 1976, « Maman travaille pas à trop d'ouvrages ». Il y a eu la création du Théâtre expérimental des femmes aussi, en 1975, avec Paul Pelletier. Là, c'est quand même très, très important. Puis plus tard, on aura aussi les Folles Alliées, en 1980, qui vont faire plus dans l'humour, elles. En 1976, bien, on peut pas oublier que la présentation de « La nef des sorcières », c'était la première fois où on assistait à 8 monologues de femmes sur scène qui parlent de leur quotidien, de leur corps, de leur déception. Donc, c'est vraiment là, à ce moment-là, la naissance d'un théâtre de revendication féministe, politique aussi. Ça arrive aussi au même moment où on voit l'émergence de maisons d'édition féministes, les éditions de La Pleine Lune en 1975, évidemment les éditions du Remue-Ménage en 1976. Il y a aussi toute la mise sur pied de journaux, de revues féministes, la parution de Le Guélion de Louki Bercianic en 1976, qui est considéré en fait comme le premier grand ouvrage féministe au Québec. Donc, je dirais qu'il y a un changement de voix dans le théâtre québécois qui est porté par des femmes, qui est porté par des féministes, et ça se produit autant sur le plan des thèmes que sur celui des formes aussi. Et Les Fées ont soif, ça va aussi avoir de l'influence sur ces changements-là à sa création en 78. Oui. Et Denise Boucher, dans tout ça, vous la situez où? D'abord, dites-nous un peu qui elle est et où est-ce qu'elle est dans son parcours au moment de cette pièce « Les Fées ont soif ». Denise Boucher est née au milieu des années 30, en 1935, à Victoriaville. D'abord, c'était une enseignante dans les années 50, mais comme elle s'intéresse beaucoup à la création, elle va suivre ensuite une formation en diction et en art dramatique au Conservatoire La Salle. Elle va collaborer par la suite là, avec plusieurs journaux dans les années 60-70, pour la presse, Le Devoir, entre autres, mais elle collabore aussi avec des revues, dont Le Maclean, mais elle collabore aussi avec Libération en France. À l'époque des Fées ont soif, dans les années 70, elle a écrit beaucoup de chansons pour Pauline Julien et Louise Forestier et Jerry Boulet aussi. Ah bon? Elle a écrit des essais avec Madeleine Gagnon, dont Retaille en 77, et Cyprine, qui est quand même un peu connue, en tout cas dans les milieux féministes, en 78. Il y a eu la création des Fées ont soif, mais elle a aussi écrit deux autres pièces de théâtre un peu plus tard. Elle a aussi fait paraître deux recueils de poésie, un roman aussi. Denise Boucher dit souvent que toute l'affaire autour des Fées ont soif, même si ça lui a donné une très grande visibilité, là, évidemment, puis une reconnaissance notable, la pièce a quand même éclipsé, malheureusement, ses autres pièces et ses autres textes aussi. Ouais. Donc, c'est un peu malheureux. Alors, de quoi parlent donc ces Fées ont soif? On en écoute tout de suite un extrait de la création en 1978 pour justement nous en donner un avant-goût. Je m'appelle Marie. On glorifie mes maternités. Et pourtant, on ne peut pas, moi, me souffrir. Je suis la celle au grand cœur qui disent, eux, qui est-ce qui se donne à se faire aimer de moi? Je suis le désert qui se récite grain par grain, jour après jour. Je pense que je vais prendre mes Valium. Je t'annie de boire. C'est toujours pareil, il n'y a jamais rien qui change. Moi qui pensais que je ferais mieux que ma mère, ben je suis pas rendue beaucoup plus loin qu'elle. Que c'est que tu voudrais qu'il change? Nous autres, peut-être? Alors, de quoi parle donc cette pièce « Les Fées ont soif » Marie-Claude Garneau? Puis l'extrait qu'on vient d'entendre nous amène bien à situer le propos de la pièce. Ça parle de quoi et quelle forme ça prend, cette pièce, à sa création en 1978? C'est vraiment une pièce qui traite, en fait, de la prise de conscience des femmes, vraiment d'une prise de conscience face à la violence de la domination patriarcale à leur endroit. Et ça met en scène, là, on l'a bien entendu, ça met en scène trois voix, trois personnages, en fait, et trois archétypes, là, je devrais dire. Marie, qui est la mère, Madeleine, qui est la prostituée, et la statue, qui est la Vierge. La pièce met vraiment en lumière, en fait, les carcans dans lesquels on enferme les femmes. Ça dénonce aussi les stéréotypes qu'on impose aux femmes. Mais ça traite aussi des possibilités de se sortir de ces archétypes-là. Les personnages vont surtout monologuer, là, chacune dans un espace. La statue, là, par exemple, qui est jouée par Louisette Dussault en 78, est littéralement immobile, là, est vraiment coincée dans un monument de plâtre qui va finir par se fissurer. Et donc, tout ça, cette position statique-là, ça traduit un peu la lourdeur de leur quotidien, de ce qu'elle dénonce aussi là, dans ces espaces étriqués-là. Mais il y a aussi des moments d'introspection où les trois personnages se dirigent toutes vers un lieu qu'elles appellent neutre. Et c'est un espace qui appelle vraiment à la confidence, hein, où elles vont défaire cet espace monologué-là pour interagir entre elles. Et c'est un espace aussi où il y a beaucoup de lyrisme et la pièce fait place à la chanson aussi. Il y a plusieurs chansons dans la pièce. Un espace très poétique aussi. Oui. Et tout ça, c'est, en fait, cette forme-là, ça tient certainement du manifeste aussi, parce qu'il y a aussi l'usage de ce jeu-là, de la première personne. Là, elle se nomme beaucoup. Par moments, il y a vraiment une interpellation qui est très martelée, très saccadée. Elle répète beaucoup. Il y a vraiment une affirmation de la parole. Et donc, il y a vraiment quelque chose de profondément politique là, qui ressort de cette poésie de la langue-là, du propos aussi. Il y a différents niveaux de langue aussi, c'est intéressant. Il y a une assez grande place faite au joual aussi, avec le personnage de Madeleine, entre autres. Voilà. Vous, je trouve que vous avez l'air fragile. Oh, pourtant, j'ai une bonne santé. Oh, ça doit être l'ennui qui me donne un air comme ça. Je m'ennuie de plus en plus, on dirait. Entre le poêle puis le réfrigérateur. La télévision, ça me tente de moins en moins. Même les films d'amour. Oh, je sais plus quoi faire de ma peau. Entre le poêle et le réfrigérateur. Entre le réfrigérateur puis le poêle, je t'attends. Puis je prends ma pilule. Je prends ma pilule entre le poêle puis le réfrigérateur puis je t'attends. Entre le réfrigérateur, puis le poêle. Entre le poêle, puis le réfrigérateur, je t'attends, puis je prends ma pilule. Oh, les murs se resserrent sur moi, puis je prends ma pilule. Oh, ça, c'est curieux. Hey, j'ai eu deux enfants, moi, puis c'est comme si ma chair avait jamais été traversée. Où est-ce qu'il faut que je retourne en moi pour jouir? Autre extrait de la pièce « L'effet en soif », la création de 1978. C'est déjà riche ce qu'on vient d'entendre, Marie-Claude Garneau, en termes de thématiques abordées, l'étouffement certainement, le désir d'épanouissement, la quête. Quel thème elle touche, Denise Boucher, avec « L'effet en soif » et quel message elle veut transmettre? En fait, je pense qu'il y a deux grands thèmes. Le thème du désir, c'en est un d'abord, là, qui est vraiment très présent. Mais c'est pas un désir que... Oui, elles vont parler de ce désir de jouissance pour elles-mêmes, mais c'est pas qu'un désir d'ordre sexuel. C'est vraiment aussi un désir de s'appartenir, hein, de trouver sa parole, un désir d'indépendance, un peu de se désaliéner aussi de la domination patriarcale. Puis c'est vraiment ce que les personnages cherchent à nommer à travers la pièce. Elles essaient d'être dans un désir autre que d'exister seulement à travers des icônes, des mythes, des images ou des faire-valoir pour les hommes, là, littéralement. Les trois figures, en fait, il faut rappeler là, qui ont été jouées par Louisette Dussault, là, qui faisait la statue, mais il y avait aussi Sophie Clément qui interprétait Madeleine et Michel Magny faisait la mère. Oui. Et donc, elles essaient beaucoup dans la pièce de casser le paradoxe constant chez les femmes qui est toujours de se faire constamment belle et désirable pour les hommes tout en essayant de rester pure et vierge, virtueuse. La pièce dénonce ça aussi, cette dualité-là, d'une certaine façon. Et vient avec ça aussi le thème de la liberté qui se développe tout au long de la pièce aussi, qui est encore... les personnages essaient vraiment d'accéder à ce statut-là, d'être libre, d'acquérir sa propre subjectivité. Il y a un passage très beau où le personnage de Madeleine dit « Ça fait si longtemps que je m'attends ». Je trouve que c'est assez révélateur de cette quête-là des personnages tout au long de la pièce. Et donc, c'est des femmes qui cherchent vraiment à briser leur isolement et briser la peur aussi qui les tient... Il les tient prises. Ce qui est intéressant, là, comme je l'évoquais un peu plus tôt, l'espace du monologue est brisé à certains endroits dans la pièce. Et surtout, les personnages de Marie et de Madeleine vont finir par se parler. Et elles percent justement à certains moments le mur du silence, en fait, qui les isole les unes des autres. Donc, elles essaient vraiment, l'une avec l'autre aussi, elles essaient de sortir du carcan dans lequel on les a mises. Marie, par exemple, c'est vraiment sortir de la domesticité, de la maternité. Ouais. Madeleine, pour elle, c'est la figure de la femme qu'on possède, hein, qu'on peut utiliser. Donc, elle essaie de se défaire de ça. Et la Vierge, ben, c'est elle qui est immuable, qu'on vénère, qui reste figée là, face à l'adoration et qui n'a pas vraiment voix au chapitre, finalement. Un réel appel au changement, là, encore une fois, à changer l'ordre établi juste que là, ce qui nous ramène à la controverse que ça va susciter, ça dérange, cette parole-là, cet appel au changement va déranger. Mm-hmm. Quelle forme va prendre cette controverse? Quelle ampleur va prendre cette controverse également? Les Féonceufs a fait face à trois débats, et je voudrais quand même le mentionner parce que c'est Lise Gauvin, dans l'introduction de la version de la pièce de 1989, qui en parle de manière très limpide, très claire. Elle parle d'abord, évidemment, là, on en a parlé, le débat culturel, hein, qui a commencé bien avant que la pièce soit présentée, là, en mai 78, quand le Conseil des arts de la région métropolitaine a décidé de ne pas subventionner la pièce, parce que c'était le juge Jacques Vadeboncœur, oui, qui était président du Conseil à ce moment-là, qui qualifiait la pièce de merde et de cochonnerie. Et bon, il ne faudrait pas que les pièces et les spectacles que le Conseil subventionne là, entachent l'image du Conseil. Donc ça, c'est un des premiers débats. La pièce n'est pas subventionnée. Le deuxième débat, c'est un débat d'ordre religieux qui, lui, a éclaté quelques semaines après la première du spectacle, là, en novembre 78. C'est au moment, en fait, où la pièce est publiée. Ah bon? C'est l'Organisation des jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne qui était accompagnée d'une coalition d'organismes catholiques qui ont manifesté devant le Théâtre du Nouveau Monde et disent à ce moment-là qu'ils croient que la pièce bafoue l'image de la Vierge. Il y a une pétition qui est signée par 15 000 personnes. Il y a l'archevêque de Montréal qui va même s'en mêler. Là, même s'il n'a pas vu la pièce, lui, il va dire que c'est vulgaire, que c'est pénible pour les chrétiens de se voir présenter comme ça une telle image de la Vierge. Et donc, bon, tout ça, s'accumulant, il y a une injonction le 4 décembre 78 qui est accordée pour interdire en fait l'impression, la publication et la diffusion de la pièce. Oui. C'est l'avocat des jeunes Canadiens pour une civilisation chrétienne, c'est Maître Émile Collat à l'époque, c'est lui qui avait réclamé l'injonction. Il était accompagné d'autres groupes comme les Chevaliers de Colomb et le Cercle des fermières notamment. Et heureusement, cette injonction-là, bon, s'en est tenue, je dirais, à l'interdiction de la publication, de la diffusion de la pièce, mais l'injonction pour annuler les représentations de la pièce leur a pas été accordée. Donc, puis Maître Collat va essayer de porter la cause en Cour suprême, mais la Cour suprême refuse d'entendre la cause. Donc, c'est un peu comme ça que tout va se terminer. Et la pièce, donc, pourra vivre sur scène. Je prends pas de clients aujourd'hui. J'ai pas d'affaire à vous le cacher, hein? Je pense que vous avez compris ce que je faisais. Ah, je suis fatiguée aujourd'hui. J'ai comme les bleus. Ça me prend une couple de fois par année. D'habitude, je réussis à tasser ça au fond de moi, mais là, ça remonte tout seul, comme un noyer. Ça doit être mes règles. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ces jours-là, coudonc, ils me feront pas croire que leur tampon, c'est de la vitamine ou bien du géritol. Moi, quand je suis malade, je suis gonflée, constipée, déprimée, tout ce que vous voudrez. C'est bien simple. Je m'enfermerai dans ma chambre et je baisserai toutes les stars. Moi, je trouve que c'est des plaintes, des complaintes d'avoir des femmes contre le pouvoir des hommes. Je suis bien d'accord. La Vierge est perçue en tant que stéréotype social. Et non, on ne l'attaque pas en tant que symbole religieux, mais en tant que symbole, que stéréotype féminin social uniquement. Puis je pense que les gens font fausse route en voyant là-dedans. Un exemple de blasphème. En fait, ils ont dit un paquet de choses qu'un paquet de femmes auraient envie de dire, puis qu'ils peuvent pas. C'est une pièce drôle. On rit, mais on pleure aussi. J'ai pleuré pendant cette pièce-là. Pendant le monologue de Marie, quand elle parle à sa mère. Est-ce que vous êtes reconnue là-dedans? Oui. Mais si vous avez remarqué, la classe qui est montée, ces grands chevaux, c'est les secs des fermières, les chevaliers de colons, le cardinal Monseigneur, qui est Monseigneur, que je nommerai pas son nom, mais qui a fait, il a fait beaucoup de propagande, que ça lui a emmené beaucoup de monde ici, je crois. Quelques commentaires à la sortie de la pièce « Les filles ont soif » à sa création en 1978. Alors, au-delà de la controverse dont on a parlé, Marie-Claude Garneau, comment est accueillie généralement cette pièce-là à sa création en 78? Bien, je pense que les commentaires le disaient un peu là, dans les extraits qu'on entendait. Ça a été généralement très bien accueilli. Jean-Louis Roux, qui était le directeur artistique du TNM à l'époque, avait aussi continué de soutenir la pièce malgré qu'elle n'ait pas été subventionnée. Donc, dans le débat religieux, par exemple, il y avait plusieurs groupes de femmes et de féministes aussi qui soutenaient la pièce. Il y avait tout un groupe d'intellectuels français, françaises, dont Simone de Beauvoir, qui ont soutenu la pièce. La Ligue des droits de l'homme, l'Union des artistes aussi a soutenu la pièce. Puis les critiques étaient majoritairement très positives, élogieuses. Les salles étaient pleines. Le spectacle a été joué à l'étranger aussi. Donc, il y avait vraiment quand même un très bel accueil, outre les scandales dont on a parlé. Oui. Et puis, elle va être reprise. On entendait au tout début de l'émission un extrait de la version qui sera présentée au Théâtre du Rideau Vert en 2018. Donc, pour le 40e anniversaire de la pièce, on avait décidé au Rideau Vert de reprendre Les filles ont soif. Parlons de la résonance que ça a ou pas aujourd'hui. Est-ce qu'elle a bien vieilli, cette pièce? Puis est-ce qu'elle a été montée souvent, de fait? Quel genre de carrière elle a eue après cette création et cette controverse de 78? Je dirais en fait qu'elle a été surtout rejouée à l'extérieur du Québec. Elle est partie, je pense qu'elle a été traduite en plusieurs langues. Au Québec, on a cette fâcheuse tendance à peu rejouer de notre répertoire québécois. Donc, la pièce a été rejouée en 2014 au Théâtre de la Bordée dans une mise en scène d'Alexandre Fecteau. Puis, vous l'avez dit, en 2018 au Théâtre du Rideau Vert, oui, dans une mise en scène de Sophie Clément. Donc, elle a été peu rejouée. Peut-être que le côté religieux est moins percutant aujourd'hui. Ça peut être un peu suranné, mais je pense que ça parle quand même d'une époque et c'est encore des échos aujourd'hui, des influences, notamment là, dans notre période actuelle où il y a beaucoup de vagues de dénonciation, oui. Le contexte, le hashtag « moi aussi », c'est des échos qu'on retrouve. Il y a encore cette question de la dénonciation-là, de la parole des femmes. On peut voir là, des influences dans plusieurs pièces qui ont été jouées dans les dernières années par des jeunes autrices aussi. Donc, je pense que la pièce et ses thèmes continuent de vivre malgré tout à travers des nouvelles créations. Un propos qui est fort, qui reste fort et pertinent. Marie-Claude Garneau, doctorante en lettres françaises à l'Université d'Ottawa, chargée de cours à l'École supérieure de théâtre de l'Université du Québec à Montréal. Ça a été un bonheur de vous recevoir à cette émission. Merci beaucoup. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.